J'espère que tu es en pleine forme en ce lundi 9 août. Je suis Lia, je suis ravie d'être avec toi durant cette émission L'Odeur du Son, émission qui ne cesse de changer de saveur, notamment grâce à Dom de la gastronomie. À Dom, salut Dom, comment ça va? Lia, bonjour à tous. Ah ouais, il est pressé là, il bat, poum, ça y est, ok, ça marche. Alors, tu t'es prêt à faire chanter nos papilles aujourd'hui? Oui, bah justement, j'étais en préparation, occupée. C'est pour ça. Excusez-nous. Okay. Mais oui, j'espère que tout le monde va bien et que les gens qui passent qui sont en vacances passent des bonnes vacances, pardon. Ben ouais. Et puis, malheureusement, pour les gens qui travaillent, bon courage. Ben voilà, c'est comme ça. Il en faut pour et tout. Le beau temps arrive normalement. Ah, ben voilà une bonne nouvelle. Merci, Dom. Il y a le soleil qui est arrivé aujourd'hui en plus dans les studios. Oui. Avec Delphine. Mais bien entendu, tu es venue très très bien accompagnée, encore une fois. Delphine qui est. Alors, si je ne me trompe pas, hein, auteur, compositrice, interprète. Absolument. Ah, Delphine, je suis tellement contente de te retrouver. Et moi donc? Ah, tu es venue accompagner toi aussi? Alors, ils sont tous venus accompagner. tu es venue accompagner d'eux? Absolument, je suis venue accompagner de Nicolas Meunier, qui fait partie du groupe Asymmetrix. Ok. Eh bien, bonjour tout le monde. Faut que tu rapproches un peu ton micro, c'est la timidité. Je vais me rapprocher un petit peu. Voilà, ça va aller, t'inquiète pas. Ça va bien se passer. Bah, merci beaucoup à tous les trois d'être aujourd'hui dans les studios avec moi dans cette émission. Moi, je rentre de vacances et voilà, je pouvais pas mieux commencer que comme ça. Merci beaucoup et je suis très très contente de te revoir parce que petite confidence quand même, Delphine. Eh ben, tu sais quoi, ça a été ma toute première émission. Oh. Eh oui, Delphine. T'as imagine. Commencé avec moi. Mais oui, j'ai commencé avec toi. Je me rappelle très bien. On n'était pas en direct. Hein, oui. C'était en enregistrement. Absolument. Il y avait Marcus qui supervisait un peu les choses bien et puis il m'a dit vas-y, c'est parti, c'est ta première. Et bon, voilà, imagine-moi pétrie par le trac en cherchant mes mots, le flux de paroles complètement irrégulier, le ton incertain. Et oui, il y a eu deux chemins depuis. Heureusement, un petit retour aux racines, aux sources au début. Voilà, ça fait du bien, Indy. Mais absolument. Ouais. Et toi, Delphine, alors. Quel chemin parcouru depuis notre rencontre? Alors, je te situe un petit peu parce que je pense que tu te rappelles plus trop. 2016. Oh, ah oui. Ah oui. Oui, oui, oui, oui, effectivement, oui. Bah écoute, oui, oui, depuis 2016, oui, il y a eu un peu de chemin parcouru comme toi. Ben, 2016, c'était la sortie du premier EP qui s'appelait Instantané, avec un soutien merveilleux de Radio Gémozo qui nous avait aidé tout le long avec Marcus. Et oui, qui t'aimait beaucoup. Etc. Mais de même, vraiment. Et ça m'avait trop aidé. Enfin, c'était trop cool. Mmh. Et puis concert avec en soutien à Radio Gémozo à l'époque au gymnase. De Saint-Étienne, il y avait les tournées générales. D'accord. Et on avait compris à ce moment-là, enfin, on avait appris quelques jours plus tôt que le gymnase de Saint-Étienne avait reçu des années plus tôt Léo Ferré. Oui. Qui était venu en solo, piano solo, et du coup, on avait refait une musique, et puis, bah, de lui, du coup, et puis, bon, bah, voilà, le temps a passé. Eh bien, oui. Et puis voilà, c'est cool de revenir ici, ça fait chaud au cœur, j'ai l'impression de revenir à la maison. Mais c'est le meilleur compliment que tu puisses faire, ça c'est sûr. Alors j'ai cru comprendre une nouvelle tragique. Vas-tu mettre entre parenthèses ta carrière de chanteuse? Non. Bah écoute, c'est un fake. Disons que oui, effectivement, ça, on va, je pense, va y avoir une petite pause qui n'est pas très courte, évidemment, qui n'est pas que due au Covid, mais en fait, je me lance dans une carrière de professeur d'éducation musicale. Oula ! Et chant chorale en collège. On m'a bien entendu. Attention, mais sans la flûte avec. Ouh. Ouais. Oui, attends, un prof de musique comme toi, tout le monde en veut. On est d'accord, tu vas faire aimer la musique, ils vont se battre pour... Pourquoi demandez-vous une dérogation ? Je veux Madame Delphine comme professeur de musique. Bah écoute, j'ai eu la chance de commencer dans les Vosges à faire des remplacements. Mon tout premier remplacement, c'était au collège de Cornimont. D'accord. Et en décembre. Et je suis tombée sur des chouchous qui étaient mais vraiment adorables. Et ça m'a trop donné envie, tu vois, de continuer. Et c'était drôle parce que les quelques remplacements que j'ai fait, en fait, t'avais les deux premières heures, tu sais, puis après, t'as la récré. Et en fait, après, les classes suivantes débarquaient en disant « Madame, madame, madame, c'est vrai que vous chantez super bien et tout, vous pouvez nous faire une musique ?» Et donc, je me suis dit « Bon, bah, c'est... » C'est bien parti, je pense que... C'est génial. On va revenir sur cette histoire tout au long de cette émission qui t'est consacrée et aussi consacrée à Nico. Hein. Bah, si, bien entendu que si. Tu es obligée. Je suis sûre de ça. Mais tout à fait. Tu seras bientôt peut-être prochainement un de mes invités, d'ailleurs. Peut-être, enfin, si le reste peut-être. Du groupe est d'accord. On va tous vous prendre en otage. Et bien entendu, Dom, alors qui m'émerveille à chaque fois. Dom, c'est une perle rare, c'est un diamant brut. Les cheveux. Mais oui. Mais les cheveux, mais Dom. Les cheveux, ils nous illuminent, exactement. Alors, je te dis pas, la première fois qu'il est venu, qu'il a enlevé la casquette, je fais « Waouh !» Je me suis pris un arc-en-ciel dans le studio. Est-ce que... donner une petite touche de gaieté. Exactement. Mais bien sûr, t'as bien raison. Il faut de la couleur dans la vie. Ouais, et puis ça va, la coiffeuse... Elle gère bien le truc et puis du coup elle fait la barbe aussi avec, c'est sympa. Bah voilà. Ça permet de changer un peu. Moi je suis fan, hein. Tu donneras l'adresse de ta coiffeuse. Hein. Bon, ah il faut toujours, c'est sûr. Brune et blonde coiffure. Othio, bien sûr, Aurélie. Voilà. Merci Dom pour ce petit point coiffure très très important. Merci beaucoup. On reviendra prochainement vers toi pour la suite. Alors est-ce que tu vas quitter les Vosges ? Oui, mais absolument. Quelle folie ! Mais oui, quelle folie, mon Dieu. Retenez-la. Si seulement. Écoute, j'ai prié tous les dieux, dont vos aigus, le dieu vosgien, mais rien n'y a fait. Je suis catapultée. Écoute, j'ai appris début juillet que c'était l'académie de Créteil. Ah. Voilà et donc les gens m'ont regardé avec un air ah tu vas être prof, trop bien, et alors tu vas où, Créteil? Cool. Et donc j'ai appris il y a quelques semaines que c'était Montreuil, et Montreuil c'est cool, je suis contente, j'y étais déjà allée il y a quelques années pour de l'artistique. Okay. Et du coup ça m'avait bien plu, donc mais c'était parti théâtre, c'est du kung-fu et du théâtre en même temps, enfin bref. Ah oui, original. Oui, longue histoire. D'accord. Du coup je connais, c'est la seule partie de la région parisienne que je connais, donc voilà, donc écoute, on a fait de la pub pour la coiffeuse. Si jamais quelqu'un a un appartement pour moi, je dois y être le 26 août. Je suis preneuse. Le 26 août à Paris ? Oui, le 26 août à Paris. D'accord, t'as toujours pas de logement ? Non. D'accord, voilà. Bon courage. Merci. Alors si tu le veux bien, au cours de cette émission, ensemble, on va faire un petit retour en arrière quand bien même. On va se plonger dans les temps forts de ta vie de chanteuse et de tes débuts, entre autres. Mais avant ça, comment s'est faite la rencontre avec Dom ? Parce que c'est quand même grâce à lui aujourd'hui que tu es là. Et me dis pas que tu viens du collège de Vanier. S'il te plaît. Alors non, je ne viens pas du collège de Vanier. Comment la première rencontre s'est faite ? C'est une bonne question parce que on a quelques amis en commun pour le coup, mais on se connaissait avant ces amis en question. Ce serait pas Alesta ? Si, peut-être. Si, bah, c'est plus bien possible. Je pense. Franchement, je sais plus. Voilà. Ouais, on se connaissait de vue en fait, et on, oui, au fur et à mesure. En commun, et puis tu jouais aussi forcément à l'Estam aussi, donc je pense qu'on a dû aussi se rencontrer là. Après, j'ai pas de moment précis. Je sais plus. Bon, écoutez, je vais vous laisser réfléchir, on reviendra tout à l'heure. J'avoue. Bon, Dom, si tu nous disais un petit mot sur ta recette du jour, quand même. Ah, recette du jour. Ah, alors, là, on y est. Donc, les légumes, toujours la même chose. Tatanate. Yes, bisous. Voilà, bien sûr, parce qu'elle écoute forcément. La petite Macarena, c'est en cours, hein. T'inquiète. Oui, bah, elle attend pour venir, d'ailleurs. donc, des fleurs, du jardin. Courgettes, on a trois sortes. Haricots aussi. Donc, ce sera un côté un peu alsacien. Alsacien. Oui, voilà, okay. Alsacien un peu tourné à la Vosgienne, donc avec du lard, des oignons, du fromage, Master toujours, pareil, Thio, le vasseux. Rien voilà. Qu'avec le nom, on a pris 10 kilos. Exactement. Voilà, j'ai pas dit qu'il y avait de la crème non plus, mais il y en a bien sûr. Donc légumes, lard, je pèse les. Et sinon après c'est en végétarien. Super. Végétarien juste avec les légumes, la sauce au fromage. Et puis oignons, tomates, une petite salade qui va bien à côté avec des fleurs, bien évidemment. Il y a un petit côté diététique quand aujourd'hui, c'est ça. Voilà, c'est voilà. Bien. Il bave. Je vois Nico, il bave là, il en peut plus là. Non. Non, mais je prends un truc végétarien parce que j'ai appris qu'hier en fait, elle était plus végétarienne. Je suis flexitarienne, tu vois, je vais pas manger. Peut manger. C'est vrai, c'est voilà. Gentil. Merci beaucoup de cette attention. Alors, Lia, explique-nous ce qu'est le flexitarisme. Bah, je pourrais pas trop m'engager sur cette voie parce que je connais pas vraiment la complexité de ce mot, mais je dirais que c'est ceux qui mangent de la viande de temps en temps, mais quand même plutôt très peu souvent que. Ouais, de façon raisonnée. Voilà, je dirais que je mange de la viande une fois par semaine. Mmh. Bien entendu, auditeur, tu es ravi de savoir mon régime alimentaire. <Voilà. rire> Alors, c'est à ce moment-là que voilà, je découvre mon premier disque chouchou pour vous. Bien entendu, on écoutera Delphine accompagnée de Nico au cours de cette émission. Pas de soucis, mais j'avais encore quand même envie de faire un petit tour dans mes disques chouchous. Je rentre de vacances, j'ai envie de me faire plaisir aussi. Voilà, c'est bien comme sûr, ça. Évidemment. Voilà, donc on va écouter le titre Goodbye de l'artiste russe et on se retrouve juste après si vous êtes d'accord. Goodbye. No use leading without chance. This is where our story ends. Never lovers, ever friends. Goodbye. Let our hearts call it a day. But before you walk away, sincerely want to say you're a black hole, sucking me in your vacuum. Yeah, I cracked my windshield, lucky that I didn't crack you. And I'm feeling drunk in this hotel room, trying to ask you about all of your past dudes, and why they stay so present. Cause bitch, if I'm the future, then why they in your presence? And if I'm the king, and you're the queen, then why you acting like a peasant? Why you acting like a peasant? I thought you were gonna tell all of your exes. Let me start with Paul. Have fun on your farm. Why you counting your chickens and your ghosts? Why you getting dogged? Cause you think you love power. Cause you went and fucked power. But you're just enamored by pussy power. Cause you never really got it. So when she threw it, yeah, you caught it. And I knew it, but I bought it. And Paul's just your puppy. Better keep him on your leash. Cause the second that he finally gets some more pussy, he's gonna leave. A round of applause for all the losers like Paul. That's just one bum you should have told. Stupid. Goodbye. Goodbye. was Devin, it was Igor, it was Paul. Then I found out you're a prostitute, so it was more names than I recall. Should've listened to the cops, should've listened to my pops, should've listened to Boogers, man, why did I not? Because I really loved you. Oh, I really loved you. But you are money, hungry, whole. Guess what I'm saying? You told me that I was crazy till I pulled up on your man and you. You look like the devil when you wave at me. Bitch, I got something to say to you. No, you fucked this up. Call you from the Grammys too. Goodbye. Hopefully you pick up. I can just tell you again. Ah, c'était bon ce petit son là, vous avez aimé? Excellent choix. Ah bah voilà, je savais que j'avais raison quand même de passer mon petit disque chouchou. Voilà. Quel bonheur d'être à l'antenne aujourd'hui. Et oui, je viens de rentrer de vacances, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec un an de plus en plus. Et pour couronner tout, thank you. Et j'avoue que ça m'avait beaucoup manqué de prendre le micro et je suis ravie de vous avoir tous les trois avec moi dans le studio. Merci beaucoup encore une fois. Merci à toi. Allez, on se lance à gorge perdue, t'as vu? Ah bah quand même. Pas de aucun mot explicite. Non, voilà. Delphine, à quel moment, quand est-ce que dans ta vie tu es tombée dans cette grande marmite de la musique? Eh ben écoute, c'est grâce au théâtre, parce que je faisais énormément de théâtre et j'avais commencé, j'avais fait de la guitare au club des mandolines quand j'étais. C'est pas vrai. Et si, tu en faisais partie? Non, mais mon ex service civique Camille. Sans déconner. Oui. Trop bien. Eh ben oui, mais Camille, mais je la connais. Avec les longs cheveux. Oui, mais absolument. Bah, tu lui feras un bisou. Mais puis, elle est en Allemagne le crâne rasé, mais on l'embrasse. Et c'est là qu'on s'est rencontrés la première fois, en fait. C'est pas vrai? Non, en fait, la première fois... Dom, il nous a caché ça, tu sais. Il va dégainer son instrument. Non, j'allais y penser, en fait, je crois que c'est la première fois que je t'ai vu, tu jouais au théâtre avec Elodie, donc Elodie, la mère de mon fils. Ah. Tu jouais au théâtre. Oh là là. Chez Foss. Oh là là. Je crois que ça devait être la première fois. Ben, excusez-moi. Ça. Mais fais-toi plaisir. Voilà. C'était le petit point de Dom. Voilà, je suis désolé. Mais c'est la fois où j'étais en pyjama et que j'en sais la danse du ventre sur scène. Peut-être bien, oui. On a loupé ça, nous. On fait les archives. Hein. Ah, écoute, je pense qu'elles se sont perdues au fond des âges. Mais voilà, excusez-moi. Cool. Mais c'était avec plaisir. Dom, et on embrasse évidemment les quais d'allumés. Voilà. Du coup, t'as commencé par le théâtre. Ouais, j'ai commencé par le théâtre et en fait, à un moment donné, donc j'ai appris la guitare au club des mandolines où on était, où Nico faisait de la mandoline d'ailleurs. C'est pas vrai. C'est là qu'on s'est rencontrés. Ouais. Génial. Il y a moult temps. Bon, c'est moult années. Longtemps perdu de vue pour le coup. Oui. On s'est loué. Voilà. Longtemps même jamais vu. Oui, c'est ça. Et du coup j'ai fait du théâtre et à un moment donné je faisais partie d'une troupe à Saint-Nabord où j'ai chanté pour la première fois a cappella sur scène. Et en fait c'est la première fois où ça a été vraiment un choc, dans le sens où en fait à la fin moi c'était vraiment, j'étais la dernière à passer en fait à chanter et du coup je suis sortie, j'avais 15 ans et en fait il y a un petit monsieur qui est venu me voir et qui était en larmes et qui me dit: punaise, mais regardez ce que vous avez fait. Et je me suis dit waouh, ça a l'air trop cool. Et après du coup j'ai fait partie de la troupe des Jolis Mômes. Hey. Et on a enregistré un CD ensemble des chansons originales voilà. Et l'ingé son de l'époque m'a dit mais qu'est-ce que tu fais? Mais tu fais des concerts? Mais non, t'écris des chansons? Bah non, bah qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce que t'attends? Et puis ça a commencé comme ça quoi. Ouais, super. Voilà. Toi, ce qui te plaisait dès le début, c'était de transmettre l'émotion quoi, si je comprends bien. Tu vises juste. Ah, voilà. Absolument. Ok. Ouais. Donc vous jouiez ensemble parce que on va quand même faire un petit coucou à Nico là. Pas de souci. Enfant, du coup, hein, c'est ça. Vous avez commencé par cet instrument-là tous les deux. Alors moi, j'ai commencé un petit peu plus tôt par la mandoline. Ouais. Et ouais. Donc Delphine nous a rejoint lorsque j'attaquais l'orchestre. Ouais, c'est ça. Toi, t'étais dans l'orchestre et moi, moi, je prenais encore les cours parce que si tu veux, avant de faire partie de l'orchestre des mandolines, t'as. Il y a 5 ans de formation. 5 ans de formation. Et moi, du coup, j'étais. Voilà, même si on a le même âge, en fait, vu que je suis arrivée plus tard, nous étions décalés. Exactement. Donc d'accord. On se connaissait plus de vue qu'autre chose, finalement. Mm-hmm. Mais, Et à quel moment vous avez effectué cette symbiose entre vous? Complètement par hasard. Complètement par hasard. Okay. La véritable histoire, c'est que je l'ai croisée au bar. Ah oui, d'accord. Et c'était l'après-midi, je buvais un café, je précise. Ouais. Nous allons dire ça. Et je crois que la veille, j'avais vu une affiche de donc Delphine se défile en concert. Ok. Ouais. Et je me suis dit, ah tiens, incroyable, je lui ai dit deux, trois mots. Ouais, tu m'as dit, ben tiens, faudrait qu'on se voit pour parler musique, parce que je crois que tu m'avais vu au Little Pub il y a des années. Très longtemps. Et du coup, on s'est attablé à une terrasse pour parler musique. Ouais. S'en est suivi un blind test Harry Potter de 3 heures. Qui a gagné? Moi là. Mais okay. C'est faux. Et du coup, après, beaucoup de musique. Et à force de se voir et de jouer de la musique, on s'est dit que ça fonctionnait plutôt bien musicalement. Delphine a fini par me dire, tiens, oui. Tu veux pas venir jouer ou à l'Estaminet? C'est ça. Et puis, c'est ça. Je ne sais pas quelle folie m'a pris, mais j'ai dit oui. D'accord. Ça voilà. Marche. C'est ouais. Beau. Ouais, ça faisait du bien parce que du coup, si tu veux, après toutes ces années de. Enfin, cette dernière année, voilà, Covid, machin. On y viendra. C'était bien de, tu vois, de refaire de la musique et de. Puis pour le coup, on faisait de la musique sans se prendre la tête et vraiment sans. C'était très simple. C'était très simple. C'était vraiment juste pour buffer, en fait. Et c'est comme ça qu'à un moment donné, il a joué un truc et puis je me suis dit. Enfin, je lui ai dit, tiens, ça me fait penser à un de mes textes et puis hop. Ah, génial. Ouais. Donc génial. On a essayé les deux ensemble et ça marchait plutôt pas mal. Bah oui. La musique, c'est le langage du cœur, hein. C'est le langage universel. Il n'y a rien de mieux pour se faire du bien. Exactement. Voilà. Alors, voilà, j'espère. De toute façon, tu n'as pas trop le choix, c'est moi qui dirige. Non, je rigole. Du coup, c'est tes parents qui t'ont donné envie de faire de la musique à cette époque-là? Il y avait, en tout cas, il y avait de la musique à la maison parce que ma mère faisait de l'orgue et j'ai commencé par du synthé. C'est quoi ce regard d'homme? Je te sens interpellée. Et du coup. Mais de l'orgue, mais quelle folie! Mais quelle folie, exactement! Ne me dis pas que tu jouais dans les églises. Alors non. Non, je crois que la première fois que j'ai joué de la musique sur scène, c'était. Bon, vous saurez tout. De toute façon, je me barre à Montreuil, donc voilà. La première fois, je crois que c'était à Gérardmer, et j'ai joué Noir, c'est noir. Ah! Voilà, il n'y a plus d'espoir à l'orgue. Au synthé. Au synthé, qui est un peu différent de l'orgue, quand même. Ah oui, c'est oui, pas oui. Le, tu vois, il y a pas les grands. Parce que l'art noir, c'est noir à l'orgue. Oui, tout oui. Le monde se suicide. Il n'y a pas de survivants, on est d'accord, quoi. Voilà. Ça serait à tester, peut-être. Donc, du coup, c'est vrai que, voilà, ça a commencé comme ça. Et puis, elle m'a beaucoup traîné dans les concerts, mais plus, tu vois, plus concerts ciblés de troisième âge, du type bal musette, etc. Et donc je suis très douée en danse de salon, tu vois, la croisette des rivales, etc. Moi, ça me connaît, guinguette, etc. Et tu dis ça pour le troisième âge quand tu me pointes du doigt? Non, j'ai peur. La danse de salon. Ah non, mais ah oui, écoute, on ignore certaines choses. Mais oui, mais écoute, j'ai un bénévole qui m'a pris au dépourvu. Uh-huh. J'étais pas au courant. Je faisais une petite danse à la Macarena. C'est partagé sur les réseaux. Et voilà, j'ai du chantage. Je tiens à le dire. Voilà, je suis victime de chantage. J'ai une grosse pression sur les épaules. Non, tout va bien. Mais si tu veux me faire danser, avec grand plaisir. Moi, je. T'inquiète. Voilà. Ok, donc toi, tu étais plutôt musette, etc., c'est ça? Bah écoute, mais c'est une expérience comme une autre. Mais c'est une expérience comme une autre, et puis du coup, tu as toujours des musiciens qui jouent. Donc moi, je débarquais sur scène avec eux en jouant du tambourin et des machins comme ça. Mais c'est génial. Et puis, voilà, mais bon, il y avait tout, hein, c'était pas que du musette. Oui, c'était oui. Les années 80, clou-clou, tout mais ça. Mais c'est génial, les et puis, années 80. Au fur et à mesure, tu vois, on va dire la culture s'est enrichie. Oui. Et puis par le biais des cours de musique au collège, de la chorale, des rencontres, etc. T'ouvres ton champ des possibles et puis tu te dis waouh, mais c'est trop bien, il y a plein d'artistes trop cool. Et... Mais carrément. Et voilà. Moi, ma maman m'emmenait à l'harmonie, hein. Donc chacun son truc. Ben oui, absolument. Voilà. Absolument. Et qu'est-ce que t'en pensais de ces cours de chant au collège? Ça t'a pas dégoûté? Eh ben écoute, figure-toi que non, parce que j'avais un super prof de musique qui s'appelait Monsieur Géin au collège du Tertre. Mais ça change tout, ça. Ouais. Et pour le coup, tu l'as eu aussi ? Mais on est connectés, Dom, on est connectés. Mais il est partout, lui. Mais oui. Il peut se méfier. Et c'est drôle parce que du coup, quand j'en parle, quand je dis aux gens que je vais être prof en collège, tout le monde me dit « Oh là là, mais j'ai des super mauvais souvenirs, ouais, la flûte, oui. machin. » Et puis, on nous forçait à chanter tout seul, devant tout le monde et tout. Et pour le coup, lui, par exemple, il a jamais fait ça. Et moi, je pense que ça m'aurait traumatisé si à l'époque, on m'avait demandé de faire ça, en mais fait. Bien enfin, sûr. C'est compliqué. Mais oui, c'est compliqué. Alors, chanter en petit groupe, je dis pas. Mais chanter... Enfin, tu vois, je veux dire... Non, au contraire, c'était cool parce qu'il nous a fait autant découvrir du classique que les Beatles, que Nougaro, que Bobby Lapointe, que machin. Donc, en fait, c'était vraiment... c'était trop cool. Alors bon, j'étais pas une très grande fan de la flûte à bec, mais c'était trop cool de chanter. Puis c'était une fête, tu vois, de faire un spectacle au centre socioculturel. Enfin, tu vois, mais c'était de se produire en public. C'est ça. Ouais. Donc c'était moi, c'est au contraire, ça a été vraiment un formateur. Ouais. Mmh. Moi, je pense que c'est pas la flûte à bec le plus dramatique. Hein. C'est quand tout le monde joue de la flûte à bec ensemble et qu'on n'a pas personne n'a la même note, quoi. Mmh. Je précise que c'est dommage que l'émission ne soit pas filmée. Vous avez raté une expression faciale de Lia qui était absolument. Je me remette au théâtre moi aussi. Mais absolument, ça te va extrêmement bien. Ouais. En effet, j'adore. On aurait pu se croiser peut-être. Mais voilà, exactement. Moi, je me dis que c'est quand même le moment où on écoute un petit son là. Ça vous dit là ? Eh ben, why not ? Allez, exactement. C'est à vous. C'est à nous. Ouais. Très bien. Et ben, alors, c'est en direct. On va les laisser se préparer juste quelques secondes. D'ailleurs, je tiens à dire que Dom nous prépare très gentiment à manger. Ne vous inquiétez pas si vous entendez quelques bruits. Moi, j'adore ces petits crépitements et ces coudes. C'est pour ça que j'ai arrêté de couper la salade. Parce que il faut que j'aménage un truc exprès pour toi. Quoi. T'imagines quand même le truc. Ça fait des petites percues, moi, ça me va. Oui, des petites percues, exactement. Voilà. Exactement, le petit crépitement de la poêle en comme rythme. Ça. Oui, voilà, exactement. Mais en tout cas, ça a l'air délicieux. Mais oui. Et puis moi, j'adore cette c'est cet aspect convivial et familial là, quand on entend les petits crépitements. Pas besoin de sentir pour être dans l'ambiance. Bon. Ouais, ah, ça commence à sentir bon. Ouais, carrément. Allez, j'arrête de parler. On est bon. Chanter mon foutu désarroi. Moi qui ne sais qui ne sait plus chanter mon foutu désarroi. Je ne demanderai rien qu'un sourire de ta part et passer mon chemin, c'était très beau, très très beau. Bon, on est en direct, il y a eu des petits il y a eu le bip bip de Dom. C'était très très beau. Ça va, ça a été Nico, pas trop galère. Le pauvre, non, il avait non, le non, casque. C'était bien, c'était magnifique en tout cas, très très belle chanson. Merci, c'est très cool. Belle chanson. C'est toi qui l'as écrite? Alors oui, en fait, c'est la jeunesse de cette chanson est particulière parce que pour le coup, si tu veux, moi pendant longtemps j'ai bossé avec un Stéphanois, Jean-Nicolas Mathieu. Ah oui. Excellent guitariste, et la majeure partie du temps avec Jean-Nicolas on a surtout fait des chansons qui étaient déjà existantes, où j'avais tu vois déjà créé, il y avait déjà D'accord. les mélodies, il y avait les accords et tout, et lui il a, mais en termes d'arrangement voilà, c'est de l'orfèvrerie, c'est magnifique. Et là pour le coup c'était un peu différent parce que c'était un texte que j'avais depuis des années, ouais, quelques années on va dire, et ça fait partie, tu sais, de ces textes qui sont dans les tiroirs où tu te dis punaise, un jour j'en ferai quelque chose, mais j'étais infichue de savoir quoi faire, que ce soit au niveau de la mélodie, au niveau de voilà. Et en fait à un moment donné lors de l'un de nos bœufs, voilà, nos nombreux bœufs, exactement, il y a pas d'autre mot, il me jouait souvent ce riff qui est en fait une espèce de version acoustique et réarrangée d'un morceau de notre groupe, enfin de mon groupe, oui. Asymétrique, qui s'appelle Singapour. Voilà. C'est vrai. Ouais. Mais on peut retrouver ce son original quelque part? Alors bientôt. Pas pour l'instant. Wow, quel suspense incroyable. Le suspense est complet. Mais oui, c'est moi il me le jouait souvent et, wow, et ouais. J'ai été conquise oui. par tout ce qu'il joue, mais aussi par Singapour. Oui. Et j'ai eu l'occasion de les écouter en concert du coup, parce qu'ils ont fait un concert récemment au Traps Bar à Bruyères. Absolument. Et okay. D'ailleurs, si vous voulez découvrir cette chanson en live et le reste de leur chanson. Son original avec Nico à la gratte électrique, ce sera au bar du marché, oui, me semble-t-il. Oui, c'est ça, au bar du marché le 28. Le 28 août. Ce mois. 28 août, bar du marché à Armiremont. À quelle heure? Alors ça, ce sera certainement 20h30, 21h. Ok, 20h30, voilà. 21h. Donc, à ne pas manquer, il y a une très belle énergie sur scène et de super bons musiciens. On va essayer. Mais oui. Et du coup, il est timide. Mais il est timide. Non, mais c'est sa première radio. C'est actuellement comme toi. Le meilleur groupe sur le marché. En fait. Ah oui, timide, mais quand même. T'as bien raison. En tout cas, tu joues divinement bien de la guitare. Et bien, merci. Voilà, c'était vraiment très, très émouvant. Cette symbiose entre vous deux, cette, une vraie connexion musicale et peut-être autre. Mais en tout cas, voilà, il s'est passé quelque chose. C'est ça la musique, c'est de la magie un mais petit exactement, peu. Exactement. Voilà, et exactement. Ça nous fait du bien, ça nous réchauffe le cœur. Continuez, s'il vous plaît. Alors, on a parlé de ton instrument, on a parlé de ton théâtre. À quel moment, est-ce que tu as pris des cours de chant? À quel moment tu t'es décidé décidé à vraiment donner de la voix et voilà, peut-être te perfectionner ou apprendre. Ouais, tout à fait. Bah écoute, ça a commencé bêtement à la chorale du collège et ensuite ça s'est poursuivi parce que j'ai fait un bac spé musique à Épinal. D'accord. Et à Claude Gelée, voilà. Absolument. Me dis pas que t'étais à Claude Gelée aussi. J'ai pas voulu y aller. D'accord. J'étais à Maurice Ravel, je me suis arrêtée là. Violoncelle. Ah, les classes à horaires aménagés. C'est ça. Classe CHAM. Trop bien. Vous serez tout de ma vie, auditeur. Je vous l'ai dit aujourd'hui. Mais pourquoi on n'a jamais joué de la musique ensemble? Je ne sais pas. Bon, un prochain concert, tu viens avec ton violoncelle, on se fait des baffes. Voilà, tu sais, ça fait des années qu'il est quelque part dans un coin. c'est beau le violoncelle, moi j'adore ça. J'aimerais beaucoup reprendre, oui. Ah, mais, voilà. Oui, mais on parle de toi aujourd'hui. Mais oui, mais quand même, c'est vachement intéressant pour le coup. Et ben écoute, oui, et en fait, du coup, à cette occasion-là, je me suis retrouvée, parce que les cours étaient de guitare étaient remplis, je me suis retrouvée à faire du chant lyrique. Moi aussi. Mais si ça se trouve, on a pris des cours au même moment. Mais on avait peut-être le même prof, surtout. Oh, mais Robert Bosquero. Mais bien entendu. Bien évidemment. Zou, le zou. Voilà. Oui, absolument. Et Robert, on l'embrasse, hein, évidemment. Oui. Et il était persuadé que j'étais soprane. Donc, je cherche encore les aigus, mais je ne désespère pas qu'un jour ça arrive. Et bref, et en fait, surtout la rencontre au niveau vocal qui m'a énormément aidée, c'est Anna Paola Fernandez, qui est professeure de chant à Remiremont. D'accord. Et qui est génialissime. Qu'on salue. On lui fait un énorme. Mais Paula, mais oui, tout le monde la connaît, mais grave. Ah bon, mais tu la connais aussi. Mais bien sûr. Toi aussi, t'as fait du chant, c'est ça? Ah non, du tout. C'est non. Parti, Dom. Non, mais je la connais effectivement. Et on la salue. Ouais, carrément. Elle était d'ailleurs venue. Ouais, tout à fait. Elle était d'ailleurs venue à Radio Gémozo, invitée par Mika à l'époque, pour la venue de Maxime Rimélé, qui avait monté un groupe qui s'appelait Argre, qui était mon premier guitariste. Et Anna, c'est une excellente prof de chant et qui s'adapte énormément à ses élèves. Et moi, ça a été vachement intéressant comme travail avec elle, parce qu'on a vraiment travaillé aussi l'interprétation. Parce que même si je venais du théâtre, finalement, elle m'a aidé bien évidemment à prendre possession de ma voix, mais au-delà de ça, ce que je trouvais chouette, c'est que vu qu'elle s'adapte au répertoire qu'on aime, qu'on, bien sûr, pour le voilà, pour avancer vocalement aussi, mais là pour le coup c'était intéressant parce que en fait, si tu veux, moi vu que j'écris mes chansons, passer de la posture d'auteur-compositeur à la posture d'interprète, eh ben c'est pas forcément simple. Même si c'était propre chanson, finalement, j'avais beaucoup plus, et encore maintenant, finalement, j'ai beaucoup plus facile à interpréter les chansons des autres que les miennes, dans le sens où, parce que en fait, si tu veux, moi c'est ce que j'adorais dans le théâtre, enfin c'est ce que j'adore, c'est que finalement quand tu joues un rôle, t'es pas toi-même. T'es un petit peu caché, quoi. T'es un petit peu caché. Et du coup, tu peux faire absolument ce que tu veux. Tu peux te trimballer sur la scène avec une plume dans le cul. Je croyais qu'elle allait dire à poil. Je me suis dit, waouh, ça y est, on passe des niveaux. Ça aussi. Écoute, voilà. On va tous finir nus. Mais voilà, exactement. Nous le sommes déjà, mais personne ne le sait. Pourquoi tu l'as dit ? Émission en direct du Cap d'Agde pour les vacances. Plus de 18. C'est ça, exactement. Il fait très très chaud dans les studios. Quelle calore. Et ouais, c'est vrai que du coup, c'est beaucoup plus simple. Enfin, c'est beaucoup plus simple. Ouais, tu peux te libérer beaucoup plus facilement. Et finalement, quand t'es auteur, t'y mets. Enfin, moi, pour ma part, j'y mets mes tripes. Et vu que l'inspiration est souvent assez proche de ce que je connais ou de ce que j'ai vécu, et ben, c'est pas toujours simple parce que le chant, déjà en soi, c'est une mise à nu, encore plus que certains instruments. Et quand tu chantes en plus tes propres paroles, c'est doublement une mise à nu. J'imagine. Et du coup, c'est vrai qu'en plus, ouais, j'avais la vision un peu, tu vois, bah, tu connais un peu les textes comme tu. bah voilà, les par exemple leurs faiblesses, etc., etc. Et finalement, ouais, la posture d'auteur et d'interprète, oui, n'est pas la même pour, oui, le coup. Ok, je vois tout à fait. Il y a pas longtemps, on m'a demandé de faire du son avec, voilà, d'enregistrer, ouais, derrière un micro. Je me suis sentie complètement à poil. Je suis partie. J'étais pas préparée. Mais c'est, ouais, vrai que c'est vraiment quelque chose d'intense de, voilà, de chanter, de faire sa musique. Et absolument. Là, ça a une dimension complètement différente. Mais du coup, c'est bon signe. Ça veut dire que tu te dévoiles complètement et que tu es vraiment toi dans. Ouais, ouais, dans ce, ouais, que, ouais, tu, ouais, fais. Absolument. Et puis pour le coup, j'ai eu l'occasion de. Bah, j'ai une amie avec qui je faisais du théâtre, qui maintenant est une autrice, qui s'appelle Mélodie Gornet. Ah oui. Qui d'ailleurs est venue aussi dans les studios de Gamozo, parce que je ramène tous mes copains. Ah, voilà, ça m'étonne pas ça. Si t'es une copine à Dom, on est dans le partage. Même pas pour le coup. Et elle a écrit des bouquins qui sont super, qui aux éditions Thierry Magnier. Donc c'est de la littérature pardon pour les ados, mais qui sont super. Enfin voilà, en tant qu'adulte, tu les lis, y a pas de problème. Génial. Vous pouvez les trouver à la librairie Lire et Écrire de Remiremont, pardon. Et librairie indépendante, n'est-ce pas ? Mais bien sûr. Et ouais, et c'est vrai que pour le coup, on discutait du fait que quand on écrit, on se rend pas forcément compte de tout ce qui transparaît dans l'écriture. Bien sûr. Parce que des fois, c'est un peu en mode, tu vois, automatique ou je sais pas quoi. Et c'est après coup où t'as le retour des gens, que ce soit, ben voilà, les lecteurs dans le cas de Mélodie, ou ouais, les auditeurs, etc. Et c'est vrai que ce travail-là, réappropriation du texte, ben je l'ai fait avec Anna Paula. Voilà. Une, merci, réponse extrêmement longue. Voilà. Mais complète. Mais complète. Mais exhaustive. On va dire. Moi, je suis ravie que tu nous fasses un petit peu, tu vois, un débrief, un retour sur tout ça. Tu vas quand même mettre un petit peu, entre parenthèses, pour l'instant, en tout cas, tout ça. Et moi, je suis honorée que tu viennes ici pour te remémorer tous ces souvenirs. Ça doit faire chaud au cœur. Ah quand ouais, même. Ça fait chaud au cœur et c'est un plaisir pour le coup. Eh ben voilà. Allez, je propose qu'on se lance dans un nouveau son parce que voilà, il faut quand même que Delphine boive un coup. Il faut surtout qu'on vérifie la cuisson de Dom parce que je sais pas, je sens pas investi aujourd'hui. Je fais un peu de bruit, alors j'essaie de. Oh le pauvre. Mais non. Quand je peux. Alors du coup, non mais moi il y a pas de problème. Hein. Moi je suis prêt. De toute façon, on est là pour écouter les musiciens. Ouais. Ouais. Mais moi je suis prêt. Et quelle heure? Ouais, on est pas mal. Ah, on va déborder là. Hein, je pense que là. Hein, ouais, on va se taper les 13h30. Je sais pas quand tu passes la musique, mais. Maintenant. On mange à 13h. Maintenant, ou... chef. C'est bon? Eh ben écoute, on mangera à 13h et pas de soucis. Très bien. J'espère que vous puissiez écouter encore un petit peu. Oui, bien sûr. Nico, il en peut plus là. Tu sais, il fait une fixette sur la nourriture, il est comme ça. Ouais, ouais. J'ai sorti le master et ça sent un peu. C'est juste fromage. En face de moi. Je le vois avec ses yeux, il est là, tu sais. Il est déjà dans les tomates. Il fait l'amour à la tomate là. C'est très chaud dans les studios, on vous l'a dit. On vous l'a dit. Allez, on écoute Go de Common et on se retrouve juste après. Go, go, go, go, go, go, and on the count of three. Go, go, go, go, go, go, and on the count of three. Go, go, go, go, go, go, go. On the count of three, everybody run back to your fantasy now. Go, go, go, go, go, and on the count of three. Go, go, go, go, go, and on the count of three. Everybody run back to your fantasy now. She was a bad, the type at the club would grab her. Fantasized when I had her in the bathroom sweating with her up. The body of a dancer. We had chemistry cause she was a cancer. Not forever it would last for, but forever move faster. So I had to. Still I got the pause when I think about her in them drawers. And ooh baby she liked it. And like rain when she poured it. Like a car that I can't afford. I would want it, they want some more. The persistence our frames explored. Let me know she was secure. Back for more. I wanna go, go, go, go, go, go. And on the count of three. Go, go, go, go, go. And on the count of three. Go, go, go, go, go, go. On the count of three. Everybody run back to your fantasy now. Three. Go, go, go, go, go, and on the count of three, go, go, go, go, the daughter of a pastor. Said I was bait for her to master. Little red Corvette, now she was faster. Mad cream to bath her. We make love and then laughter. And any way I wanted, I could have her. Said it was some girls that did attract her. A new chapter she was after. So I said, let's go to a place that you wanna be. Get what you want from her and me. Free love I wanna see. Hot sex in the third degree. You're getting served, why serving me? Dirty words encourage me to rock steady and stir the lead on. You're turning me, no turning back. The further we go, go, go, go, go, go. And on the count of three, go, go, go, go, go. And on the count of three, go, go, go, go, go, go. On the count of three, everybody run back to your fantasy. Now, go, go, go, go, go. And on the count of three, go, go, go, go, go. And on the count of three, go, go, go, go, go, go. And on the count of three, everybody run back to your fantasy. C'était bien ça. Quelle coupure tragique, mon Dieu. On les félicite pas pour ce petit fondu. Vous êtes toujours sur Radio Guémozo. Je suis aujourd'hui accompagnée de Delphine Se Défile. On n'en a pas encore parlé de ce nom de scène. De Nico, son guitariste pour voilà. le moment, voilà, qui joue également dans un groupe que vous retrouverez eh bien, le 28 août à peu près à 20h30, 21h au bar du marché à Remiremont. T'as vu, j'ai tout noté. Voilà. Asymétrique. Asymétrique, voilà, c'est ça. J'adore le nom déjà. Et de Dom qui a disparu pour le moment, mais c'est pas grave, tout va bien. On l'aime quand même. Qui sont les premières personnes qui t'ont soutenue dans tes débuts? Est-ce que tu t'en rappelles un petit peu dans tes débuts dans la musique, Delphine? Les premières personnes, ben figure-toi que il y avait donc cet ingé son dont je te parlais. Oui. Ah ben je crois que c'est Dom qui sonne. S'il y a quelqu'un qui veut bien aller lui ouvrir, merci Chris. C'est génial cette émission. Voilà, on est à la maison. Exactement. Et voilà, j'espère auditeur que tu passes un bon moment. Aussi bon que nous. Si tu as chaud, n'hésite pas. On reste sérieux, on y croit. On s'accroche. Donc oui, les premiers qui ont cru, il y avait cet ingé son qui m'a soutenu et qui m'a dit est-ce que tu fais des concerts, qu'est-ce que t'attends, est-ce que t'écris des chansons, tout ça. Jérémy Mathieu, qui m'a présenté un jeune chanteur de l'époque qui s'appelait Jack Simard. Ah là là. Et en fait, la première fois que Jérémy m'a dit ouais, qu'est-ce que t'attends, écris des chansons, etc. Je savais pas comment faire. J'ai écrit vraiment à l'arrache, quoi. Et en fait, la fois suivante, on s'est revus avec Jérémy et il y avait Jack qui était là. Et ça a été, je crois, les premiers à entendre les musiques, en fait. Ah oui. Et très rapidement, il y a Ana Paula Fernandez, professeur de chant, qui Fernandez. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. qui a rejoint. Les gens, ils en peuvent plus, là. On part en roue libre, là, tout va bien. Écoutez, c'est merveilleux. Et voilà, quoi. Et ça s'est développé au fur et à mesure avec plein de gens qui ont raccroché les wagons. Mais les tout premiers, ouais, c'était super. Eux, quoi. À quel moment t'as commencé à chanter tes propres textes? Eh ben, dès mon premier concert. Ouais. Dès mon premier concert en solo, en fait, dès le moment où en fait on a enregistré le CD avec les Jolis Mômes au cinéma de Vanier. Et ouais. Sur la scène, parce que le cinéma est aussi l'entracte a aussi une scène. Oui. Et c'était absolument génial parce que si tu veux, on était tous en, ben un peu comme ici finalement, on était en rond et on jouait tous en même temps. Parce que t'as deux façons d'enregistrer, tu t'enregistres soit tous en même temps comme en concert, soit de façon séparée. Et là, le fait d'être tous en même temps sur une scène de théâtre, c'est génial. Cool. Et ouais, c'est à partir de là en fait que j'ai commencé à écrire des chansons. Et puis j'ai une copine qui m'a dit ben tiens j'ai des potes qui ont un bar à Pont-à-Mousson, ben vas-y et puis roule. Mais je crois que le premier concert je m'appelais pas encore Delphine se défile. Moi j'ai quand même envie de savoir à quel moment tu t'es défilé quoi. Mais écoute très très rapidement, mais en fait j'ai mis 6 mois à trouver un nom de scène. Ouais. Et je ne trouvais pas et je cherchais et bon voilà, c'est toujours très difficile de se définir soi-même et j'avais pas du tout envie de garder mon nom de famille, mais dans la chanson ça se fait de garder son prénom, tu vois. Et puis je cherchais un truc qui sonnait bien et au départ je voulais m'appeler Mine de Rien. C'était une pote qui m'avait proposer ça et je trouvais ça cool parce qu'il y avait un truc un peu on s'attend pas machin, puis bon finalement Mine de Rien en fait c'est un groupe qui est très connu, qui existe déjà, enfin voilà. Et du coup c'est la petite sœur d'une copine qui avait mon Dieu, elle devait avoir 7-8 ans à l'époque, qui me dit les Delphine se défilent. Mais c'est trop bien. Bah ouais. Et en fait c'était l'époque où Camille sortait Le Fil. Mais c'est exactement ce que j'allais te dire. Et en fait, moi, ça m'avait vachement marqué. Je vais prendre ta douleur doucement, sans faire de bruit, comme réveiller la fille. Je vais prendre ta douleur, prendre ta douleur, je vais prendre ta douleur. Bravo. Mais tu as une très jolie voix, Lia, mon sang. Mais il faut. Non, mais ça va pas du tout. Pourquoi est-ce que. C'est toujours les moments, tu sais, où tu pars, où tu dis, mais bon sang, j'aurais pu faire une superbe collaboration. Je manque encore d'expérience. Mais tu as l'expérience du micro. Mais tout à fait. Mais exactement. J'adore. Les pauvres. Bon, allez, on s'en fait une de chanson. Mais absolument. Allez, c'est parti. Absolument. Nous sommes toujours en direct et du coup, on va toujours leur laisser quelques secondes pour s'installer en espérant que ton fil de casque, tu le mets pas du coup. Si, oui, non. Oui, non. Non. Okay, je gère. Ça marche. Donc la chanson. Excusez-moi. Bah, y a pas de souci, attends. Installe-toi, on est en direct. En plus, ça fait plaisir. Une petite version acoustique. Tu sais pas depuis quand on attend ces moments où on peut retrouver nos musiciens chouchous. Tellement. Voilà, sans devoir rester assis à écouter des gens qu'on aime tant et qu'on aimerait aduler devant la scène. Voilà. <c'est... rire> Nous, on veut kiffer la musique. Donc surtout. Prends tout le temps qu'il te faudra pour t'installer. Je pense que c'est bon. Tu penses que c'est bon ? C'est la balade des galériens. Ah, bah, quelle circonstance. On est bon. Les jeux sont faits, rien ne va plus. Ça y est, on est le 10 du mois. Mon frigo ou la succursale du Sahara. J'ai plus un rond dans mon veston. Même mes dessous sont pleins de trous. Ma banquière me fait les yeux doux. Elle m'envoie des lettres enflammées. Parfois même en recommandées. Elle dit qu'elle veut me séquestrer pour m'adorer toute la journée. Une mise à demeure, c'est tellement cavalier. Suivez les sinueux chemins de la balade des galériens. Suivez les sinueux chemins de la balade des galériens. Je mange des pâtes toute l'année avec du beurre. C'est le secret de mon repas de fin gourmet. Et quand je vais au casino, tenté ma chance sur les poireaux. Mes achats, des coups de poker devant la caissière. Je croise les doigts, la carte bancaire passe ou ne passera pas. Suivez les sinueux chemins de la balade des galériens. Ma carte bancaire me fait des farces. Un coup elle marche, un coup elle casse. À chaque fin de mois je me ramasse. Suivez les sinueux chemins de la balade des galériens. Suivez les sinueux chemins de la balade des galériens. Suivez les sinueux chemins de la balade des galères, rien. Wouhou! Yeah! Pourquoi tant de rire? Oh, ce pauvre Nicolas Meunier. En fait, je lui ai fait une petite farce. Ah, Parce que j'ai une de mes anciennes chansons qui s'appelle Tête de linotte et c'est encore valable de nos jours. Et du coup, c'est une chanson qui est quand même très récente, qu'on a jouée deux fois. En tout cas, 4 fois, je pense. Non, je rigole. En tout cas, deux fois en concert. Et donc, c'est la 3e. Eh ben, génial. On est ravis. On suit les plates. C'était très réussi. Non, c'était très, très réussi. Est-ce que tu aimes beaucoup Mathieu Chédid? Car il y a des fois où vraiment j'ai l'impression d'être un peu dans son univers aussi lui, tu sais. Ouais. Pour le coup, j'aime beaucoup Mathieu Chédid. Ouais. Un vrai artiste très complet, lui aussi. Complètement. Et j'ai eu la chance de le voir en concert il y a un peu plus d'un an et demi, hein, forcément, quand il était passé à Nancy. Et c'est toujours une expérience, quoi. Ouais. C'était fou ce concert parce qu'il jouait tout seul. Et il y avait des totems de chaque côté de la scène qui représentaient des totems à base de morceaux de batterie. Et en fait, c'était des trucs automatisés. Et du coup, il jouait tout seul et t'avais ces immenses totems. Enfin, c'était fou. Oui. Donc, si jamais vous avez l'occasion d'aller voir Mathieu Chédid en concert, Allez-y. En fait, je pensais à ça parce que des fois, tu sais, il monte beaucoup dans les aigus comme toi, tu l'as fait. Et là, je me suis dit, waouh, quelle explosion. Ouais. Parce que c'est vrai que bah, tu as du coffre, merci, voilà, tu as une voix suave. Merci. J'ai adoré en tout cas. Je suis en train de défiler un peu le déroulé de mon émission. Je pense qu'à 15h30, on est encore là, ça va? Non, je rigole. Je vais vous libérer. Mais pas tout de suite. Je pense qu'on va faire encore un petit peu durer le plaisir. Vous êtes d'accord? Avec joie. Ah, voilà. Est-ce qu'on on lance un petit son, Dom, parce que c'est l'heure de manger, ou alors j'ai encore quelques minutes? On a encore quelques minutes si Delphine a des choses. Ah. Alors, moi, j'aimerais ça. Ça marche, chef. Merci beaucoup. Merci, chef. Quel artiste, justement, t'inspire, toi? Quel artiste a ébranlé sentimentalement, peut-être foudroyé l'artiste en devenir, Delphine, enfant? Il y en a eu plusieurs, mais en tout cas, c'est ardu comme question, mais en Désolée. Tout cas, je t'en veux un peu. Et c'est pas fini. Moi, j'aime beaucoup Janis Joplin. Oui. Au niveau de la présence scénique, de la voix, il y a un truc vraiment. Toutes ces filles un peu badass comme Janis Joplin, Patti Smith, toute cette mouvance là. T'aurais fait plaisir à Marcus là. Hein. Bah, t'es un grand fan. Ah mais carrément, carrément. Et puis aussi au niveau, on va dire chanson à texte, etc. C'était plus un Brel, évidemment, au niveau de l'interprétation des textes, etc. Et puis en plus local, moi j'ai eu un coup de foudre pour Mel. Mm-hmm. Qui est une chanteuse qui est originaire de Lorraine, entre Nancy et Metz, qui a beaucoup tourné, qui a fait entre autres qui a fait des premières parties d'Erita Mitsuko, d'Arnaud. Oui. Elle était sur le label de Mon Slip, le label des Têtes Raides, je tiens à le préciser. Ouais. Et c'est vraiment une artiste qui m'a qui m'a bien touchée dans le sens où déjà j'aimais beaucoup ses textes et finalement c'est dans le domaine de la musique assez rare d'avoir des filles. C'est vrai. Hormis des filles qui sont, tu vois, en mode chanteuse, qui vont chanter comme ça. Voilà, c'est ça. Voilà. Et ça fait du bien parce que finalement, on a beaucoup d'auteurs, compositeurs, interprètes, mais des nénettes qui vont au front comme ça, avec leur texte, avec leur voix, un peu comme des Anaïs, par exemple. Maggie Boll, évidemment. Évidemment. Qu'on aime d'amour, Maggie Boll. J'adore Maggie. Mais qu'on salue, exactement. Qu'on salue. T'embrasse Maggie Boll. Exactement. Et qui faisait aussi partie des Cancoyot Girls. C'était génial comme groupe aussi. Enfin, voilà. Et toutes ces nanas-là, ça fait du bien, quoi. Qui jouent de la gratte, qui. Maintenant, Mel, elle est devenue un gesson aussi. Génial. Et, mais c'est rarissime d'avoir des nénettes dans ce type de poste. Et du coup, c'est cool aussi. Même si, évidemment, on embrasse tous nos amis ingé son. Mais bien sûr, on les embrasse tous. Tu l'as senti un petit peu, cette complexité à entrer dans ce monde de la musique en tant que femme? Ouais. Ouais, ouais, tu sens que c'est pas pareil. Parce qu'en fait, tu interagis quasi qu'avec des hommes. D'accord. Parce que les patrons de bar sont des hommes. Les producteurs véreux sont des hommes aussi. Enfin, tous, en fait. Et il y a finalement très, très peu de femmes. Et les femmes sont pas forcément. Puis en musicien aussi. Et finalement, c'est. Des fois, tu sens que ça discute un peu entre couilles, quoi. Et désolée pour les enfants. Et du coup, ouais, c'est particulier. Puis quand t'es la chanteuse, mais manifestement, quel que soit le style et quel que soit le niveau de auquel tu exerces, parce que bon, moi, c'est finalement un niveau très local. Je veux dire, ça fait 10 ans, j'ai fait 300 concerts, mais c'était très. Ah oui. C'était le grand test et surtout, voilà. Mais tu sens que quand t'es chanteuse, c'est pas pareil. Et puis voilà, et puis bon, en plus, il y a toute la question du physique aussi qui compte. Oui, il faut que tu rentres dans les normes. Absolument. Voilà. Et blonde à forte poitrine. C'est ça, exactement. Et pour le coup, c'est. Voilà, mais bon, c'est ce qui fait aussi que c'est intéressant et que pour le coup, je me sentais beaucoup plus muselée en théâtre qu'en musique. Ah oui. Parce qu'en musique, à ce moment-là, il y a des nénettes comme Beth Ditto, du groupe Gossip, que j'adore, ou Adèle, qui ont débarqué, qui rebattaient les normes. Voilà, qui rebattaient un peu les cartes de tout ça. Bien donc, sûr. Mais ouais, c'est intéressant. Mais à toutes les femmes qui nous entendent et qui nous écoutent, eh bien, on vous embrasse et vous êtes très belles comme vous êtes. Et moi, je ne sais pas ce que tu en penses, mais ici, j'ai l'impression qu'on est un petit peu en majorité. Moi, je trouve qu'ils se taisent beaucoup. Oui, c'est vrai. Et qu'ils nous écoutent. Voilà. Et franchement, voilà. C'est important. On a des hommes bien avec nous. Ça, oui. C'est cool. Est-ce que justement, tu as déjà écrit des textes un petit peu engagés sur certains sujets? Oui, oui, tout à fait. Il y en a un qui s'appelle Ronde. Oui. Pas besoin d'expliquer le sujet. Ah bon? ou d'ailleurs, quand j'étais plus jeune et plus fougueuse, pour le côté théâtral, je décapitais une Barbie sur scène. C'est génial. En disant que je faisais une case dédiée à l'inventeur de Photoshop. Mais sur des sujets qui me touchent. Alors après, c'est toujours délicat parce que tu sais jamais comment placer le curseur, parce que en termes d'écriture, il faut pas non plus la jouer moralisateur. Oui. Et puis il y a une question de légitimité quand ça t'est pas arrivé non plus. D'accord. De parler à la place de quelqu'un, mais en même temps, c'est un truc qui a dépassé qui aussi touche, parce que finalement, voilà. Donc en termes de chansons engagées, ouais, j'en ai fait sur les migrants. Ouais. Sur les violences conjugales aussi. Et puis sur le féminisme, etc. Et sur aussi la cause LGBT. Et ben voilà. Voilà. Donc, tant qu'à faire, quitte à avoir un micro, autant s'en servir pour la mais bonne cause. Mais bien sûr, bien sûr. Enfin, sur des causes qui me touchent, en tout cas. Qu'est-ce qui t'inspire, justement? C'est un petit peu tous ces faits sociétals? Ou alors, est-ce que vraiment, parfois, tu regardes par la fenêtre, tu vois quelque chose et tu te dis, waouh, ça c'est cool, je vais en parler. Des choses que tu ressens et qui ne sont pas possibles d'exprimer autrement que par l'écriture, c'est quoi qui t'inspire le plus? Ça a beaucoup été ma vie, parce que quand tu commences, puis même après, c'est toujours beaucoup plus simple de parler de ce qu'on connaît, oui, que de parler à la place d'autres personnes. Pour éviter de tomber dans l'autobiographie perpétuelle, c'est bien aussi d'ouvrir le faisceau et de parler d'autres choses. Mais en tout cas, des trucs que j'ai vécu, des choses que j'arrive pas forcément à dire, des trucs que j'ai envie de. Je vais citer Corneille, alors non pas l'auteur de théâtre, mais le chanteur, qui disait que dans une de ses chansons qu'il chantait pour pas crier, et pour le coup la voix c'est ça aussi pour le coup. Et après c'est des faits sociétaux, c'est des trucs qui vont. Alors ça dépend. Soit en termes de processus d'écriture, des fois c'est t'as l'impression que c'est à l'inspiration qui te tombe dessus. Mais vraiment à des moments improbables, genre il est 3h du mat, tu viens de te coucher et d'un coup ça part d'un coup, t'as la mélodie, t'as les paroles, t'as tout, et t'as plus trop besoin de tout changer. Il faut être prêt, quoi. C'est ça, exactement. Et tu sais que si tu te relèves pas pour réécrire tout de suite, après tu vas zapper, donc voilà. Et des fois il y a des sujets bien précis que j'ai envie d'aborder qui me sont arrivés ou pas, et où du coup tu sais ça te touche tellement que pour trouver les bons mots, ça va être un travail beaucoup plus laborieux. Il va y avoir 4-5 introspections. C'est ça, 4-5 versions différentes du texte avant de trouver un truc qui soit. Voilà. Oui, je comprends bien. Moi, je trouve que ça sent vraiment très bon. Moi aussi. Je pense que c'est le moment. Il nous a ramené des petites boxes et tout pour que ça. C'est l'assiette, en fait. Ah, d'accord. Donc tu te rattrapes, quoi. C'est cool. Merci, dame. Magnifique. Ça sent trop bon. Nico, il s'autodigère, il est au bord du malaise, là. Il faut faire quelque chose. C'est vrai que je me sens. Je me sens limite. J'en connais qui sont pas très de bonne humeur quand ils ont faim, en plus, mais ça a l'air d'aller. Je propose qu'on se lance dans quelques petits sons, le temps de se faire plaisir. Voilà, t'es presque. On est presque bon, là. T'avais dit 13h, il est 13h09, c'est parfait. C'est parfait. Je propose un petit Eddie de Préto. Oh oui, avec joie. Voilà, avec un titre en acoustique. Parce que j'aime beaucoup l'acoustique et puis la proximité que ça donne à nous, auditeurs, quand on écoute ça. Avec Bateau Mouche. Voilà. Oh, j'adore cette chanson. Elle me parle trop. Ah, c'est trop bien. Voilà. Merci. Et puis après, on se fera un petit Janice quand même, histoire de planter un petit peu le décor musical de tout ce que tu viens de nous dire. Et puis, en attendant, on va se régaler, auditeur, si tu n'as pas encore mangé. Auditeur, si tu n'as pas encore mangé, je te souhaite un très très bon appétit. Si tu as déjà mangé, tu peux te lancer dans une danse à corps perdu, histoire de favoriser ta digestion, peut-être. voilà. Ou alors, tu peux faire un gros câlin à ton chien. Enfin, c'est important, les gros câlins. Voilà, tu fais comme tu veux. Allez, à tout de suite. Quand j'étais gars trop moche, chantant sur bateau mouche, avec un dans les poches, faisais moi la fine bouche. Je prenais toutes les avances de sourire pas très cash. Fallait bien que je mange pour apaiser ma soif. En triplé dessert, je reculais l'attente. Des gros ventres à remplir avec chansons badantes. Sur mon estrade en toc que je prenais pour scène. Je me sentais comme un coq, mais je flottais que sur la scène. Quand j'étais personne, plein de petites taffes d'automne. Je rêvais d'idole, je me voyais déjà en haut. Quand j'avais personne, qu'une soif qui déborde. Je rêvais des tonnes, je me voyais déjà en haut. Et c'était beau, début, début, début. Beau, début, début, début. Beau, début, début, début. Beau, début, début, début. Maquille au pinceau. Un solo pour mariage,

un petit Janis Joplin là en même temps que l'on mange, mais quelle chance nous avons. Merci beaucoup Dom, c'est voilà, tu nous ravis les papillons. C'est un délice. Ah voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve ça vraiment très très bon. Oui. Ah, un petit J'en ai d'ailleurs plein la bouche, excusez-moi. Cette émission est tellement explicite, c'est génial. Il nous a mis des petites fleurs comestibles, des petits... Ah là là. Alors ça, merci à Nat. Oui. À Nat. En plus d'être bon, en fait, c'est toujours beau. Mais absolument. C'est parce que derrière, il y a des artistes et puis... Donc moi, je fais qu'assembler leurs produits, un peu les transformer un peu et puis les assembler. Sinon, il y a des gens qui travaillent derrière pour avoir des bons produits colorés. Et on essaie de garder toujours la même chose, hein, le légume, la couleur du légume. Et puis, comme je dis toujours, notre hobby, c'est le produit. Donc, voilà. Donc c'est le principal. Mais voilà. C'est toi l'artiste aussi, Dom, hein. Moi, je compose. Absolument. Après, c'est eux qui... Ah bah oui, mais c'est ça aussi. Après, voilà. Et là, il y a une petite salade avec... vous verrez, j'ai mis du lin. Ah oui. Donner un peu de croquant. Vous goûterez un peu les concombres aussi, pareil, du jardin. Oui. Ça, vous verrez ce que vous en pensez. C'est du local, de toute manière. Génial. Donc voilà, c'est sympa. Donc j'espère que vous avez apprécié. Eh bah oui, c'est très très bon. Merci beaucoup, mille fois. Alors, c'est vrai que cette émission, moi, je crois que je pourrais la durer, la garder, enfin l'animer pendant des heures, des jours. Mais je pense que vous n'êtes pas préparé à ça. Hein, parce que voilà, faut pas franchir toutes les étapes d'un coup. Par contre, Dom, j'aimerais bien que tu viennes avec moi. Il a peur. C'est le moment en fait où on passe à la casserole, mais j'ai pas eu le temps de préparer comme d'habitude pour que Dom ait sa petite feuille. C'est le moment où tu te mets à nu, c'est le moment où on sait tout de toi. Mais tu peux garder tes habits. C'est bon. C'est gentil. Allez Delphine, le moment le plus marquant de ta carrière et de ton expérience dans la chanson, c'était quand? Attends, tu commences mais fort. Écoute, moi j'ai envie de te dire quand même, en termes de moments hyper forts, il y a eu quelques concerts qui étaient vraiment quelque chose, quoi. Et évidemment, t'as la sortie du CD parce que c'est une libération, c'est un. Tu vois, je veux dire, c'est ton bébé, voilà, là, là, là, c'était au Théâtre de la Miroiterie en 2016. Et puis voilà, on avait créé tout un truc où. C'était un financement participatif, les gens m'avaient soutenu, j'avais fait une campagne de pub à Radio Gémozo pour encourager les gens et tout, et puis on avait c'était deux concerts qui étaient géniaux. Et puis en plus récent, en termes de moments marquants, le retour à l'Estaminet, c'était quelque chose aussi pour le coup. C'était un très beau concert. Alors cette fois la personne hein, à part nous bien sûr, la plus marquante au sein de cette expérience. Oh, fâche, mais vous êtes dur. Mais vous êtes super dur. Bah tu veux partir, donc faut. Ah oui, non, là c'est. On veut tout savoir. Tu mets à poil. Bim bam boum quoi. La personne la plus marquante, tant mais il y en a plusieurs. Au sein de l'ensemble de cette expérience. Bah écoute. T'as le droit de citer des noms, pagaille, vas-y, oui, vas-y. Lâche-toi. Disons qu'en termes. Il y a eu Jean-Nicolas qui a beaucoup compté, Jean-Nicolas Mathieu, qui était mon guitariste pendant 5 ans, à qui je fais un gros bisou, qui m'a fait beaucoup évoluer musicalement, etc. etc. Après, il y a eu Anna, évidemment, comme j'en parlais tout à l'heure, qui m'a suivi fidèle au poste tout le long et qui a été présente sur l'enregistrement du CD, sur la production du CD, sur l'album, enfin, sur. La sortie et tout. Et puis, ouais, c'est déjà pas mal, on va dire. C'est bon, Lia ? C'est bon. Ton plus beau souvenir dans cette expérience de la chanson que tu as vécue jusqu'ici ? Le souvenir, tu vois. J'aurais dû lui poser à l'avance. Mais sais. Grave. Genre 3 mois avant. Oui, c'est ça. Les Patrick, ils ont... Non, je ne fais pas semblant de réfléchir. Oh, le plus beau souvenir, punaise. Je dirais le CD. Parce que c'était que même si j'étais la seule sur la photo, sur la pochette, il y avait une telle petite équipe derrière, et c'était tellement grisant de construire tout ça et tout. Il y avait vraiment un truc de vas-y quoi, on y va à fond quoi. Ok. ton souvenir le plus déjanté. Ah, il y en a eu quelques-uns aussi. Le souvenir le plus déjanté. En concert pour un after. Dont tu te rappelles à peu près quoi. Oui, c'est ça. Écoute, il y a eu le premier qui me vient à l'esprit en tout cas, c'était au Trebs Bar à Bruyères. Alors la toute première fois que j'y ai joué, donc il y a des années. Et en fait, j'étais super heureuse parce que je venais de trouver des chaussures trop jolies avec des tu vois, genre ballerine, avec un petit côté, mais genre ballerine quoi, pas ballerine. Et toute belle, satinée, noire, machin, avec un talon de 10 à 12 centimètres. Et j'étais extrêmement fière de moi. Et à l'époque, ma marque de fabrique, bon, ça a duré très longtemps, je portais des robes à pois et souvent des collants de couleur. Et j'avais un collant orange, mais voilà. Fluo quoi, flashy. Ouais, quoi. Voilà, flashy. Le collant, première fois que je le mettais, j'étais toute contente de moi et tout. Donc, je fais le premier set, ça se passe bien. Petite pause. Je remonte sur scène et là, je casse la gueule. Mais de façon monumentale, juste avant de remonter sur scène, devant tout le monde, j'ai un trou énorme dans le collant. J'ai super mal. C'était fait exprès, bien entendu. Mais évidemment. Et du coup, j'étais morte de rire. Et puis j'ai dit bon ben voilà, tête de lilote. Et puis hop, et puis on y va. Et puis on a enchaîné. Pas mal. Il y a du niveau. Ta scène où t'as été la plus émue. Le truc émouvant, tu vois. T'as lâché la petite larmichette. Ah. Ben, l'estam. Et le premier. Il y a que ça qui me vient le premier. Évidemment, la sortie du CD, parce que voilà. Mais en termes d'émotion, c'était pas mal, quoi. Ta scène la plus insolite. Ah, il y en a eu quelques-unes. Alors, alors en scène insolite, il y a eu. En fait, ça a été un coup, mais complètement à l'arrache. Parce que il fut un temps où je vivais à Strasbourg, je faisais mes études à Strasbourg. Et je vais prendre le train et je loupe mon train. Et j'étais fortement chargée parce que j'avais guitare, machin, truc. Donc je me dis, bon, je vais aller faire un tour. Et je vais faire un tour dans un magasin de fringues, un gros magasin de fringues, pas très loin de la gare. Et je dis au patron, est-ce que ça vous embête si je dépose la guitare à la caisse le temps de faire un petit tour? Puis il me fait, ah bah, à condition que vous fassiez une chanson. Je dis, bah, ok. Et en fait, je fais le tour. Puis je me suis dit, bah, il rigolait. Et en fait, avant de partir, je lui dis, ah bah, merci et tout. Il me fait, mais ça vous embête pas Je suis non, allez. Et du coup, il a fait un appel micro pour que tous les gens du magasin, mais c'était vraiment un gros magasin dans un gros centre commercial de Strasbourg, que tout le public se rapproche. Et puis après, photo avec les employés et tout, j'ai chanté, enfin c'était improbable. Et ce même mec qui était adorable a ensuite créé un spa. Et j'ai joué à l'inauguration du spa. Voilà. Donc en termes de concert insolite, pas mal. C'était pas mal. La scène où t'as été le plus impressionné, tu sais, la plus impressionnée, la scène où tu t'es dit ah ouais quand même là. Ouais. La pression quoi. Il y en a eu quelques-unes. J'ai fait les souris vertes. Enfin, je suis allée deux fois à la Souris Verte avec Jean-Nicolas à l'époque, entre autres en première partie de tournée générale. Donc, c'était la sortie de leur dernier album. Donc, la pression était là. Après, il y a eu aussi, en termes de pression, il y a eu. Il y en a eu quelques-unes, mais. Il y a eu un moment où j'ai été. En fait, j'ai fait la première partie de Carpathes. C'était une scène entre Paris et Chartres. C'était une grosse scène. Et en fait, suite à ce concert, j'ai été contactée par Nouvelle Star pour passer les auditions. Quand même. Et du coup, c'était assez impressionnant de chanter devant Benjamin Biolay, Cœur de Pirate et consorts. Donc, je faisais un petit peu pipi dans ma culotte. Et aussi, dernier truc, puisque, voilà. Oui, c'est ça. Hein. après, c'était à pas très loin, c'était à Gérardmer, au. Comment ça s'appelle, bon sang, au grattoir, évidemment, où Mel chantait et où je me suis retrouvée sur scène avec elle pour chanter et c'était pas prévu. Enfin bref, voilà. Quelques moments marquants. Et la chanson dont tu es la plus fière est celle que tu préfères? La chanson dont je suis le plus fière est celle que je préfère. J'aime bien ton sourire. C'est dur. J'aime bien ton sourire. C'est la première qu'on a faite avec Nico. Et puis sinon, quand je jouais avec Jean-Nicolas, on en a fait quelques-unes qui étaient très cool, dont La Résistante. Super. J'avais encore plein d'autres questions, mais voilà, le chef il m'a dit il faut regarder l'heure, tu vois. On a changé de responsable d'antenne. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'ai quand même une dernière question. Attention, c'est la question qui peut tout changer. Oula, oui. Quelle est ta radio préférée? Radio Guémoussin. C'est une bonne réponse. Allez, c'est fini. J'ai été ravie de vous avoir tous là. Est-ce que on peut te retrouver sur scène là très prochainement avant la fin de tout ça justement? Absolument. Enfin, la fin, provisoirement. Vous pouvez même nous retrouver sur scène, je pense, en principe. Oui, le 13. Voilà, le vendredi 13 août au Petit Zinc à Remiremont. Super. Et la Der des Der, c'est le 20 août au camping du Mété à Vanier. Super. Un album quelque part qu'on peut trouver? Un EP, oui, vous pouvez le trouver sur Facebook. On vous l'envoie sans problème. Et puis voilà. On peut suivre tes aventures. Absolument. Delphine se défile sur Facebook, voilà, sur super. YouTube. Du coup, les Asymétriques le 28 août au bar du marché à 20h30. Et ils vont sortir un prochain EP. Ah bah oui, j'espère, Nico, que tu vas venir. Est-ce que ça t'a donné envie? Franchement, oui. J'ai cru qu'il allait me dire si Dom vient cuisiner, autrement. Tu m'as volé ma prochaine phrase. Je suis super heureuse de vous avoir eu tous les trois ici. J'ai passé un très très bon moment. Je suis ravie de t'avoir revu et dans ces conditions. En plus, Dom, il fait un petit peu sa star d'internet. Mais est-ce qu'il peut nous dire, puisqu'il peut nous faire une petite checklist de tous ces artisans, ces producteurs qui ont collaboré sans peut-être le vouloir, sans le savoir, à ce repas d'aujourd'hui? Toujours les mêmes, hein, Master, Thio, Levasseux, Julie, qu'on embrasse, avec Albert, Nat, comme j'ai longuement parlé tout à l'heure. Oui. Après, le lin. Si elle a, comment? Les graines de lin, tu nous as dit. Les graines de lin, c'est pas personnel, ce que j'ai acheté à part, parce que je voulais faire un essai, en fait, c'est surtout pour tester. D'accord. La texture. Boucherie Remy, je dis pas de bêtises, c'est Arche. D'accord. Là. Ouais. Voilà. Super. Je pense qu'on est bon. Un jour, il nous fera une liste, tu sais, de où tu peux acheter les produits, qu'est-ce qu'il te faut, les ingrédients et la recette. C'est en cours depuis un an et demi. Bon, c'est pas grave. Ouais, c'est ça, exactement. Mais c'est pas grave, on t'aime comme t'es. Merci d'être là. Eh ben, merci à vous. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, du coup, à vous deux, tiens? De la musique? Ouais. Oui, énormément de musique. Ah, voilà. De la musique et puis que je prenne goût à la région parisienne. Bon, on te souhaite surtout de revenir très prochainement dans nos Vosges. Avec joie. Moi, je te souhaite en tout cas de tout mon cœur la plus belle des routes, hein, un chemin lumineux comme toi, parce que t'es une vraie pépite de soleil dans nos yeux et dans nos oreilles. Et puis surtout, reviens-nous un de ces quatre. Et puis Nico, je t'attends très prochainement. Le rendez-vous est pris. Ah bon, ok, ça marche. Dom, merci beaucoup. Moi je voudrais juste dire souhaiter bon courage quand même pour tous les hôteliers et tout ça, parce que le mois d'août sera pas forcément facile. Et voilà, c'est juste pour On en reparlera la prochaine fois, parce que les choses vont un peu changer cet été. Avec le pass sanitaire et les voilà, clients. On espère qu'il y ait quand même des gens qui viennent aux événements, qui viennent aux restaurants, qui continuent à consommer normalement. Et voilà. Donc, soyez solidaires. Merci beaucoup. On se revoit bientôt. Oui, normalement dans 2 semaines. Oui. Non, ou pas, on voit ça après. Peut-être pas. D'accord. Non, bah après, de toute façon, je viens quand on fait l'émission. Et la prochaine fois, c'est BD. Ah, c'est BD. Clément Labroussette. Super. Voilà. Eh ben, merci à tous les trois d'avoir été présents au sein de cette émission en direct des studios de Radio Kémoso quand même, avec un chef improbable, des artistes fantastiques, des lives extraordinaires. Cette émission, pour ceux qui le souhaitent, sera rediffusée ce jeudi à midi, sera podcastée sur notre site internet et nos pages Facebook. En attendant, eh bien, la prochaine auditeur, je te souhaite une très très belle journée, prends soin de toi et prends soin des autres. Kiss. I can't believe it.